bien fermer la porte. Ça fait 10 fois plus chaud depuis qu'elle est ouverte. À cause de moi. Oui. Tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi. Oui, je le sais. Tu sais ce que c'est que le mal, la honte, la peur. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est en connaissance de cause, hein? Oui. C'est toi que je vais convaincre. Tu es de ma race. T'imaginais-tu que j'allais partir? Je ne pouvais pas te laisser ici triomphante avec toutes ces pensées dans ta tête, toutes ces pensées qui me concernent. Tu veux vraiment me convaincre? Je ne veux plus rien d'autre. Je les entends plus, tu sais. C'est sans doute qu'ils ont fini avec moi. Fini! Je ne suis plus rien sur terre, même plus un lâche. Ignace, nous voilà seuls. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas. Mais toi, toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Ce sera pas facile. Regarde-moi, j'ai la tête dure. J'y mettrai le temps qu'il faudra. Oh, tu as tout le temps, tout le temps. Écoute, chacun a son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent, de l'amour. Je voulais être un homme, un dur. J'ai tout misé sur le même cheval. Est-ce que c'est possible qu'on soit un lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Et pourquoi pas? Tu as rêvé 30 ans que tu avais du cœur. Tu passais 1000 petites faiblesses parce que tout est permis aux héros. Comme c'est commode. Et puis à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur et tu as pris le train pour Mexico. Je n'ai pas rêvé cet héroïsme, je l'ai choisi. On est ce qu'on veut. Prouve-le, prouve que ce n'était pas un rêve. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Mais je suis mort trop tôt, on ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt ou trop tard. Et cependant, la vie est là, terminée, le trait tiré. Il faut faire la somme. Tu n'as rien d'autre que ta vie. Vipère. Tu as réponse à tout. Allons, allons, ne perds pas courage. Ça doit être facile de me persuader. Cherche tes arguments, fais un effort. Eh bien, je t'avais dit que tu étais vulnérable. Ah, comme tu vas payer à présent. Tu es un lâche, garçon. Un lâche parce que je le veux. Je le veux, tu entends? Je le veux. Pourtant, vois comme je suis faible. Un souffle. Je ne suis rien que le regard qui te voit. Que cette pensée incolore qui te pense. Il s'ouvre ces grosses mains d'homme. Mais qu'espères-tu, on n'attrape pas les pensées avec les mains? Alors tu n'as pas le choix. Il faut me convaincre. Je te tiens, garçon. Quoi? Venge-toi. Comment? Embrasse-moi, tu l'entendras chanter. C'est pourtant vrai. Ignace, tu me tiens. Mais je te tiens aussi. Lâche, lâche. On va te faire consoler par les femmes. Chante, Inès, chante. Si tu voyais sa grosse patte posée à plat sur ton dos, fonçant la chair et l'étoffe. Chante, serre-moi plus fort contre toi, garçon, elle en crèvera. Mais oui, serre-la, serre-la, serre-la bien fort. Eh bien, qu'attends-tu? Fais ce qu'on te dit. Garçon, le lâche tient dans ses bras Estelle l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garçon, le lâche t'embrassera-t-il? Je vous vois. Je vous vois. Moi seule, je suis une foule. La foule, garçon, la foule, entends-tu? Lâche! Lâche! Lâche! Lâche! Tu vois, Estelle? Il desserre son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Il ne fera donc jamais nuit. Jamais. Tu me verras toujours. Toujours. Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là. Je le contemple. Et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi. Tous ces regards qui me mangent. Vous n'êtes que deux. Je croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous rappelez le soufre, le bûcher, le grill? Oh, quelle plaisanterie! Pas besoin de grille. L'enfer, c'est les autres. Mon amour. Laisse-moi, elle est entre nous. Je ne peux pas t'aimer quand elle me voit. Eh bien, elle ne nous verra plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Avec ce coupe-papier, tu es folle. Tu sais bien que je suis morte. Mais morte. Et nous sommes ensemble pour toujours. Pour toujours? Mais oui, c'est vrai.